France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il est des noms prononcés, des noms d'écrivains étrangers qui sonnent d'une façon magique à nos oreilles. Ainsi, Emily Dickinson. Emily Dickinson, 1830-1886, poétesse américaine. Le premier cliché sur elle, la dame en blanc. Une dame en blanc qui nourrit des abeilles. Et ses œuvres. Il est toujours plus facile de citer des titres de romans dans la littérature, plutôt que des titres de recueils de poèmes. Alors non, il ne sera pas question de romans, mais de centaines et de centaines de poèmes, du reste des poèmes qui n'ont pas de titre. L'auteur, une femme, qui a peur de tout, en tout cas de tout ce qu'elle aime, des serpents, des fleurs, des abeilles, qui se réfugie dans la maison, elle, la femme, et qui, de la fenêtre de sa chambre ou de la fenêtre de son salon, regarde le monde, un monde, le monde de son œuvre poétique. Emily Dickinson, au menu d'Une vie, une œuvre, première diffusion sur France Culture, le 18 février 1993. Une vie, une œuvre. Emily Dickinson, une dame en blanc qui nourrit les abeilles. Par Michel Bidlowski et Isabelle Huel. En savoir plus sur Emily Dickinson, et je crois que l'expression est très, très exacte au sens où c'est une manière d'en savoir plus sur rien dans la mesure où on sait des choses sur elle, mais qu'elle a une vie extraordinairement dépourvue de péripéties, quoi. Et que tout ce qui en faisait la richesse est déposé là, dans ces textes-là, quoi. Nature, the gentlest mother is, impatient of no child, the feeblest or the waywardest, her admonition mild. In forest and the hill, by traveler be heard, restraining rampant squirrel or too impetuous bird. Je me souviens de deux vers. Here a mist and there a mist, afterwards day. Alors ici une brume, là une brume, ensuite le jour. Alors je ne sais pas, ça m'est resté, ça a traîné comme ces traînées de brume, ça m'a traîné dans la mémoire. Vous savez, ça faisait un petit peu comme un paysage chinois. C'est lambeau comme ça, brumeux, et puis cette concision aussi, pas de phrase, afterwards, day, très simple, avec le rythme. Entendre un loriot chanter, peut-être une chose banale, ou simplement divine, ça ne vient pas de l'oiseau qui chante tout le temps pareil, inouï, comme la foule des figurants. L'oreille habille ce qui s'entend à sa façon, en sombre ou clair. Donc, que ce soit rune ou que ce soit rien, vient de l'intérieur. La mélodie est dans le bois. Le sceptique me soutient ça. Non, monsieur, c'est dans le toit. « je partis tôt, pris mon chien et allai voir la mer. Les sirènes du sous-sol sortirent me regarder et les frégates, à l'étage au-dessus, tendirent les mains de chanvre, me prenant pour une souris échouée sur les sables. Mais aucun homme ne me fit bouger jusqu'à ce que le flot ait dépassé ma petite chaussure et dépasse mon tablier et ma ceinture et dépasse mon corsage. Aussi, efface, comme s'il voulait m'avaler aussi complètement qu'une rosée sur la manche d'un pissenlit. Et là, je partis. Aussi. Et lui, il suivit tout près derrière. Je sentais son talon d'argent sur ma cheville. Mes chaussures allaient déborder de perles. Jusqu'à ce que nous touchions la ville ferme. Il semblait n'y connaître personne. Et saluant, avec un regard appuyé, vers moi, la mer se retira. J'ai eu le sentiment d'entendre une voix, VOX. C'est-à-dire qu'il y a aussi une voix VOIE, mais là, c'est une voix VOX. Un auteur, un poète qui vous parle directement, qui parle à vous. Et je crois que c'est assez rare en littérature. On a souvent l'impression qu'un auteur écrit pour le monde, et que vous faites partie du monde, donc il parle aussi à vous. Mais il y en a certains qui vous parlent à vous personnellement. Alors, je prends des exemples très éloignés. Évidemment, quelqu'un peut-être comme Montaigne, ou comme Pascal, ou comme Rimbaud, on a l'impression qu'ils vous parlent personnellement. Et j'ai eu tout à fait cette impression avec Emily Dickinson. D'ailleurs, son contact avec le monde était très, sinon pas conflictuel, mais enfin... assez inexistant. Elle dit dans un de ses poèmes « I wrote a letter to the world that never wrote to me ». J'ai écrit une lettre au monde qui ne m'a jamais écrit, qui ne m'a jamais répondu. Donc, dans cette sorte de solitude à laquelle elle vous donne accès. Il est un certain biais de lumière. Les après-midi d'hiver qui oppressent, comme la pesanteur des chants de cathédrale. Blessure céleste, elle nous marque sans laisser de cicatrices. Elle ne laisse pas de cicatrices, mais une différence intérieure au lieu des significations. Nul ne peut l'enseigner, personne. C'est le sceau du désespoir. Une majestueuse détresse envoyée des airs. Quand ça vient, le paysage écoute. Les ombres retiennent leur souffle. Quand ça s'en va, c'est comme le lointain sur le visage de la mort. Le cœur demande le plaisir. D'abord, et puis une dispense de la douleur, et puis ces petits calmants qui atténuent la souffrance, et puis aller dormir, et puis, si ce pouvait être la volonté de son inquisiteur, le luxe de mourir. Emily Dickinson, donc Patrick Remo, elle a vécu au cœur du 19e siècle, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, dans des temps troublés, la guerre de sécession. Il semble qu'elle ne s'en soit pas aperçue. Comment est-ce que vous la voyez vivre au jour le jour? On voit, je veux dire, l'image, le cliché, c'est une dame en blanc qui nourrit des abeilles. Alors, ça, moi, la dame en blanc, ça me rappelle l'héroïne du roman de Wilkie Collins, The Woman in White. Bon, vous savez que c'est un feuilleton, hein, la dame en blanc de Wilkie Collins, comme les feuilletons de Dickens, les prodigieux feuilletons de Dickens. Et je ne me rappelle plus le nom de l'héroïne de la dame en blanc, mais je me rappelle le début du livre, c'est-à-dire la première fois on voit apparaître la dame. Elle a une aura très, très magnétique, qui fait qu'on, lorsqu'elle vous regarde, on est presque touché par son regard. Moi, j'imagine un peu Emily Dickinson comme cela. Et comme une petite femme, assez laide, dit-on, encore que l'on ne sache jamais ce qu'est la beauté, frêle, et qui se regarde le monde des fenêtres de sa maison et va se promener dans son jardin en étant effrayée par tout ce qu'elle voit. C'est une femme qui a peur de tout, Emily Dickinson. Elle a peur du serpent qu'elle connaît par cœur qui est dans le jardin. Elle a peur et elle aime donc les abeilles. Elle a peur et elle aime les fleurs. Elle a peur de l'herbe et elle aime l'herbe. Et elle dit dans l'une de ses lettres que la phrase de la Bible qui l'a le plus frappée, c'est une phrase de d'Ève à Adam qui dit « Et alors j'ai eu peur et me suis caché ». Je crois que tout Dickinson est là en un sens, enfin toute une partie de Dickinson est là en un sens. C'est une femme qui a peur, qui se cache. Donc elle se cache dans cette maison, dans cette grande maison paternelle. Est-ce qu'elle a vraiment jamais voulu sortir? Mais elle n'a jamais voulu sortir. Le monde pour Dickinson se réduit d'abord à la propriété Dickinson. Et puis, à partir de 30 ou 35 ans, la propriété, c'est-à-dire le jardin, c'est déjà une partie du monde qui lui devient de plus en plus étranger, c'est-à-dire qu'elle se réfugie dans la maison. Et la seule partie de la maison qu'elle habite, c'est la fenêtre de sa chambre ou la fenêtre du salon, fenêtre par laquelle elle regarde ce qui est pour elle le monde, c'est-à-dire naturellement les fleurs qui poussent, les abeilles, les rouges-gorges, les oiseaux qui vont, qui viennent, qui partent et qui reviennent, les animaux qui sont emmenés à la foire au comice agricole de Amherst, le cirque qui vient une fois par an. Tout ceci, le spectacle du monde pour Dickinson, ce sont les images passagères qu'elle aperçoit d'abord dans le jardin quand elle sort, puis de la fenêtre de sa chambre quand elle ne sort plus. Alors, c'est un infime fragment du monde. Et comme elle a un génie poétique absolument fulgurant, enfin absolument éblouissant, elle arrive à recomposer le monde à travers les infimes fragments des choses et des gens qu'elle voit. Le rouge, flamme, et le matin. Le rouge, flamme, et le matin. Le rouge, flamme, et le matin. Le violet, midi. Le violet, midi. Le violet, midi. Le jaune, le jour, à son déclin. Le jaune, le jour, à son déclin. Le jaune, le jour, à son déclin. Et après, plus rien. Et après, plus rien. Et après, plus rien. Mais le soir, des lieux d'étincelles. Mais le soir, des lieux d'étincelles. Mais le soir, des lieux d'étincelles. Révèle l'espace incendié. Révèle l'espace incendié. Révèle l'espace incendié. Le territoire argent. Jamais. Le territoire argent. And after that, jamais. Le territoire argent. But miles of sparks jamais encore at evening consumé. Reveal encore, the width that burned. Encore. The territory argent that never yet consumed. I bought me a cat, my cat pleased me. I fed my cat under yonder tree. My cat says, feel like you. I bought me a duck, my duck pleased me. I fed my duck under yonder tree. My duck says, quack, quack. My basket holds just firmaments. Mon panier ne contient que des firmaments. Mon panier ne contient que des firmaments. Mon panier ne contient que des firmaments. Those dangle easy on my arm. Cela à mon bras se balance aisément. Cela à mon bras se balance aisément. Cela à mon bras se balance aisément. But smaller bundles cram. Quand de moindres ballots sont accablants. Quand de moindres ballots sont accablant. Quand de moindres ballots sont accablants. My cat says fiddle-a-fee. I bought me a wife, my wife pleased me. I fed my wife on the yonder tree. My wife says honey, honey. My horse says nay, nay. My cow says baw, baw. My pig says gravy, gravy. My hen says shimmy, shack, shimmy, shack. My goose says quack, quack. My dog says quack, quack. My cat says fiddle-a-fee. Et puis ma seconde impression, ça a été de pénétrer dans un monde. Cyril Cahen. Alors ça, c'est le paradoxe d'Emily Dickinson, qui écrit des poèmes très courts, souvent très intimes, souvent même très terre-à-terre, et puis à côté de ça, des poèmes d'une ampleur extraordinaire. Alors, cette impression d'un monde qui va du, je dirais Victor Hugo, hein, du ver de terre à l'étoile, c'est vraiment le cas de le dire, mais le ver de terre d'Emily Dickinson, c'est le ver de terre qu'elle examine avec l'attention d'un Jules Renard. Et à côté de ça, dans un autre poème, ou même dans le même poème, elle jongle avec les galaxies. On a l'impression d'une œuvre qui couvre, avec des petits pas, comme ça, des petits pas d'oiseau, une ampleur, un scope une absolument extraordinaire. Ce qui fait que ce poète, finalement, très modeste, puisqu'elle parle souvent d'elle comme quelqu'un de petit, « my barefoot rank », mon rang de va-nu-pied, cette femme qui n'a pratiquement jamais publié un ou deux poèmes, eh bien, elle a écrit une œuvre que moi, je crois, les Américains maintenant considèrent également, il me semble une œuvre de la même ampleur que celle d'un Dante, je dirais, de Divine Comédie, ou peut-être même de Shakespeare, enfin, une œuvre immense, une sorte d'encyclopédie des émotions humaines, je dirais. On trouve tout. On trouve des petites sensations, comme disait Cézanne, petites sensations devant les paysages, devant la nature, d'innombrables poèmes sur les couchers de soleil, par exemple, sur les insectes, sur les animaux, et puis ces innombrables poèmes sur la mort, qui pour elle était peut-être la seule certitude pour le donner, cette mort qui donne véritablement un sens et ses couleurs à la vie, et qui était presque une obsession chez elle. Et puis tous ces états intérieurs, c'est une œuvre introspective aussi, dans laquelle défilent tous les états émotionnels, de la dépression la plus profonde jusqu'à la joie, l'élévation mystique. Des intuitions psychologiques extraordinaires. Donc, c'est pas seulement un plaisir de la lecture, c'est aussi, alors je ne sais pas si pour d'autres ça serait un avantage, un compliment à faire à l'auteur, mais c'est aussi quelque chose dans lequel, je dirais, il y a à boire et à manger. C'est, pas dans le sens, il y a de tout, du bon et du mauvais, mais dans lequel on peut se nourrir. C'est en même temps un poète, c'est en même temps un psychologue, c'est en même temps sorte de peintre de la nature, et c'est en même temps une philosophe. Et donc quelque chose auquel on peut avoir recours d'une manière constante. Est-ce que c'est vraiment le monde qu'elle recompose ou est-ce que c'est son monde? Parce que finalement, l'Amérique de cette époque-là n'est pas présente dans sa poésie. Non, pas du tout. Dickinson a un humour assez meurtrier. Quand on lui dit par exemple que George Washington est le père de son pays, elle dit « George qui ?»« George who ?» c'est une distance énorme, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. Elle s'intéresse à autre chose. Et pourtant, son père était très impliqué dans la vie politique, puisqu'il a été, je crois, membre du Congrès ou sénateur, je ne sais plus. Tout à fait. Les Dickinson sont une famille de juristes influents dans leur État. Ce sont de grands bourgeois ultra-puritains. Le père de Dickinson l'a beaucoup marqué. Il y a comme ça une série de pères terrifiants dans la littérature anglaise ou dans la littérature américaine. Le père de Dickinson, moi, m'évoque un personnage de Nathaniel Hawthorne, donc, qui est parent, en un sens, de Dickinson. Dans la maison aux sept pignons de Hawthorne, il y a un juge qui meurt, je crois, d'apoplexie, si mes souvenirs sont exacts, sur son fauteuil. Et lorsque l'on voit le juge mort sur son fauteuil de juge, on a l'impression que c'est un juge de plomb. Vous voyez bien, et moi j'ai l'impression que le père d'Emily Dickinson, c'est le juge du roman de Nathaniel Hawthorne. Ou bien un personnage qui a la stature du pasteur Bronte, autre père terrifiant. Ou bien un personnage qui a la stature du révérend Powys, qui est aussi un personnage très, très, très étonnant. Vous voyez, on imagine ces pères ultra-puritains, ces pères à stature colossale. Bien sûr, naturellement, ça évoque un peu, bon, et je divague, les statues que Freud invitait à sa table. Vous dites que ce père était tout-puissant, que Emily Dickinson l'a rejeté d'une certaine manière en s'en cachant, en s'enfuyant vers l'intérieur d'elle-même, mais elle n'a pas tout renié de ce père, et notamment son langage juridique. Ah oui, la force du vocabulaire des Dickinson, vous savez qu'il y a des billets du père Dickinson assez étonnants. Il y en a un, par exemple, il écrit ceci, qui est quand même ahurissant. Il écrit, au dos d'une carte postale, « Par la présente, je me donne à Dieu ». Alors, langage juridique à des fins spirituelles, à des fins mystiques, pratiquement. C'est ce qu'on retrouve dans la poésie, dans le langage de Dickinson, d'Emily Dickinson. Oui, il y a bien sûr une mystique. Mais ce qui est intéressant, alors, dans les poèmes d'Emily Dickinson, ce qui est intéressant, c'est la coloration juridique du langage qui est probablement donc un héritage de la structure familiale. Et c'est ce qui fait de l'extérieur la grande originalité de ces poèmes, c'est qu'elle traduit tout en termes de contrat. C'est-à-dire que de la même manière que l'on peut se donner à Dieu, on peut se donner à la poésie, ou on peut se donner à un maître. Et vous savez qu'elle trouve comme maître le maître le plus, je n'ose pas dire le plus détestable, parce que finalement, le recul des années aidant, c'est un maître insignifiant. C'est l'homme de lettres de l'époque. Imaginez dans nos lettres aujourd'hui, n'importe lequel des personnages en vue. Eh bien, vous trouverez un Higginson en transposant très très facilement sur X ou sur Y. C'est-à-dire quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'un un homme de lettres? Eh bien, c'est l'horreur. En un sens, c'est quelqu'un qui est partout et nulle part, qui écrit dans toutes les revues, dont le nom est dans les journaux, qui fait des voyages, etc. Mm. Dont la renommée passe les frontières. Et donc, Dickinson a eu besoin, c'est un besoin très, très ambigu. Dickinson, c'est Emily Dickinson, et Higginson, oui, c'est le maître. Oui, mais oui. On pourrait confondre. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire Emily pour elle et Thomas pour lui. Thomas Wentworth. Donc, elle lit un article du divin Thomas, expliquant, avec toute l'assurance d'un mufle, dans le fond, comment il faut s'y prendre pour être publié. Et elle envoie à ce génie un certain nombre de poèmes en lui disant qu'elle est débutante et qu'elle aimerait savoir si ses poèmes respirent ou non, c'est-à-dire dans le fond si ses poèmes existent ou pas. Et alors on a l'impression, mais rétrospectivement, que c'est une demande très ambiguë, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est sûre, mais pas tout à fait. Et donc le maître répond en disant que ces poèmes sont absolument impubliables, que la métrique boite, que le sens est obscur, et qu'il faut qu'elle se résigne à faire autre chose que de la poésie. Et Dickinson, ayant eu l'idée de passer contrat, accepte tout de suite les clauses. C'est-à-dire que toute sa vie, elle écrira à Thomas Wentworth Higginson, elle signera ses lettres, votre élève. À partir du moment où il s'est donné un maître, il est pour elle impossible d'en changer. De la même manière que lorsque l'on prend un avocat, eh bien, on ne change pas d'avocat parce que ça ne se fait pas, si vous voulez. Et vous pensez que ce Thomas Wentworth Higginson est à l'origine du secret sous lequel elle a enchâssé ses poèmes ? C'est pas tellement... Je crois pas que que ça se pose en termes de secret. Si elle a été amoureuse deux fois, en fait, d'un révérend qui a fui à San Francisco et d'un juge qui a trépassé avant elle. Et chaque fois que ces amours ont été contrariés, enfin, l'amour contrarié a donné lieu à une floraison de poèmes qu'elle a gardé, tout simplement. Qu'elle a gardé, elle ne voulait pas publier parce que ça l'intéressait pas beaucoup. Parce qu'elle était quand même d'une autre farine, qu'elle faisait du pain. Heart, we will forget him, you and I, tonight. You may forget the warmth he gave. I will forget the light. That I my thoughts may deem. Haste, lest while you're lagging, I may remember him. À partir d'un certain moment, quand elle a eu une trentaine d'années, qu'elle a décidé de se consacrer à la poésie, alors là, elle s'est carrément retranchée. Et je voudrais à ce propos donner cette citation de Mallarmé qui me paraît convenir tout à fait. Sait-on ce que c'est qu'écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique dont gît le sens au mystère du cœur, qui l'accomplit intégralement, se retranche. Claire Donc Malroux. Je pense que là est l'explication de ce retranchement, c'est un retranchement pour l'écriture. Mais ce n'est pas un retranchement qui est dû à des failles psychologiques ou à... Un refus du monde. Un refus du monde, oui. Cette vocation pour l'écriture lui vient très précisément à l'âge de 32 ans. Et je crois que son premier poème date de 1850, par conséquent elle avait 20 ans. Et elle a eu une intense période d'activité et d'écriture entre 1858 et 1868. C'est-à-dire, pratiquement une très grande partie de son œuvre s'est accomplie en 10 ans. Et il y a ceci d'extraordinaire qui est, par exemple, dans l'année 1862, elle a écrit presque un poème par jour. Enfin, le total est de plus de 360 poèmes, ce qui implique une activité extraordinaire, volcanique, comme elle dit, explosive. Parce que ses poèmes sont très courts, ils font parfois 2 strophes de 4 vers, ou même moins, parfois. Elle revient très souvent sur les mêmes thèmes, néanmoins. Donc, on peut expliquer cette abondance par le fait qu'elle avait des thèmes très précis sur lesquels elle revenait sans cesse. Ce n'est pas une poésie qui a évolué d'une façon temporelle, si on peut dire. C'est une poésie qui, elle a constamment creusé, elle s'est enfoncée dans sa propre écriture, où ça me fait penser parfois aussi à un vol d'oiseaux qui tournoie éternellement autour des mêmes repères. Donc, ce qui explique qu'elle a pu peut-être écrire autant de poèmes en un laps de temps assez court. Between the form of life and life, the difference is as big as liquor at the lip between and liquor in the jug. The latter, excellent to keep, but for ecstatic need, the corkless is superior. I know, for I have tried. Bon, mais j'essaie de traduire un peu littéralement. Between the form of life and life, entre la forme de la vie et la vie, on peut dire aussi entre le formel de la vie et la vie, la différence est aussi grande qu'entre la liqueur aux lèvres et la liqueur dans le flacon. Celle-ci, excellente pour la conservation, mais pour les besoins de l'extase, celle sans bouchon est supérieure. Je le sais, car j'ai essayé. Alors là, il y a déjà tout le programme d'Emily Dickinson, pour ainsi dire, qui est un peu la charte de la poésie en général. D'ailleurs, le passage part de là, le formel, vers l'essence, vers le contact direct avec les choses. Et ce sentiment profond, qui est le sentiment, je crois, poétique, mais je ne sois pas poète, je l'imagine, que toute la poésie se situe dans l'interstice, enfin dans le fossé plutôt, qui sépare la vie routinière, la vie formelle, la forme de la vie, la vie formelle, et la vie, ce qu'elle appelle tout court la vie, et qu'elle compare à la liqueur dans le flacon, que l'on peut regarder, que l'on peut conserver, mais que l'on ne goûte pas, et la liqueur aux lèvres. Elle a écrit 1775 poèmes, alors il y en a beaucoup, on pourrait trouver aussi son programme. Enfin, celui-là me plaît, me parle. C'est un poète de l'urgence, c'est-à-dire que sa poésie... Elle frappe, elle surprend, elle étonne, elle éblouit. Elle l'opère un petit peu comme un coup de tonnerre. Elle dit le coup de tonnerre le plus lointain, le tonnerre le plus lointain que j'ai entendu était plus proche que le ciel. Pour en prendre un autre ? Oui, je voudrais en prendre un autre. Qui montre justement cette façon qu'elle a de cette ampleur de sa démarche qui couvre un espace tellement énorme en un si petit espace de lignes et de poèmes. Four trees. Four trees upon a solitary acre, without design or order or apparent action, maintain. The sun upon a morning meets them, the wind. No nearer neighbor have they but God. The acre gives them place. They, him, attention of passerby, of shadow, or of squirrel haply, or boy. What deed is theirs unto the general nature? What plan they severally retard or further? Unknown. Ce sont quatre arbres. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à la gravure de Rembrandt, les trois arbres. Là, il y en a quatre. Quatre arbres sur un espace solitaire, comme ça, ils n'ont pas d'ordre, ils n'obéissent pas à un dessein particulier. Et maintain, c'est un verbe dans l'absolu, maintiennent quoi? Ça, c'est le côté Emily Dickinson, l'indéterminé, un peu l'abstrait, qui laisse place à l'envol, et à l'imagination. Maintiennent la vie, maintiennent l'existence, maintiennent le ciel. Maintiennent oui. quelque chose. Peut-être, oui. Oui. Vous parliez quelque chose. Vous parliez de Chine, justement, oui. Les arbres qui tiennent le ciel. Oui, les arbres qui tiennent le ciel. Ben voilà, on peut introduire beaucoup de choses dans ce maintain qui forme un vers à lui tout seul. The sun upon a morning means them. Le soleil leur rend visite, le vent. Ils n'ont pas d'autres voisins que Dieu. Bon, alors c'est la nature dans toute sa nudité, sa solitude. Alors maintenant, il y a un échange entre les arbres et le remplacement, et la terre. Le champ leur donne de l'espace. Lui, il leur offre. Alors là, on a de nouveau, côté d'Emily Dickinson, familier. Lui, il leur donne quoi? Attention, l'attention du passant. Ils donnent à l'espace sur lequel ils sont plantés l'attention du passant, l'attention de l'ombre, d'un écureuil ou d'un garçon qui passe par là. Alors voilà encore très Emily Dickinson, ça, l'écureuil tout à coup dans ce contexte qui est un peu cosmique. Alors on dirait toujours qu'elle a, dans beaucoup de ses poèmes, côté d'humour, s'ancré dans la réalité et souvent s'ancré dans la réalité par le plus familier. Par le plus terre-à-terre, par le plus familier. Tout à coup, dans ce poème, qui est vraiment un poème un peu métaphysique, cosmique, apparaît l'écureuil. Squirrel, happily, oh boy, garçon. Puis alors, ensuite, un saut. Un saut typiquement, à mon sens, dickinsonien. Elle va bien s'arranger, comme peut-être maligne qu'elle est dans un sens. Après avoir parlé de l'écureuil, elle saute. Dans le métaphysique. What deed is theirs towards the general nature? Quelle est leur action dans la nature en général? Alors voilà les arbres maintenant replacés à la fin du poème, après avoir parlé de l'écureuil, replacés dans le plus vaste contexte cosmique possible. Quelle est leur action dans l'univers general nature, dans la nature en général? Quel plan? What plan they severally retard or further? Quel plan divin, sous-entendu, retarde-t-il, peut-être par la lenteur de leur croissance, ou au contraire aide-t-il à se promouvoir? What plan they severally retard or further? Puis un vers à la fin, deux syllabes, un mot, unknown, mystère. On ne sait pas. On ne sait pas. Gravissant avec mon baluchon la colline de la vie, si je la trouve trop escarpée, si le découragement m'arrête, si mon dernier pas me paraît déjà plus vieux que l'espoir des débuts, que soit vierge de reproches le cœur qui offrit comme celui qui accepta l'errance pour demeure. Il y a volontiers dans les poèmes l'adoption du masque de l'enfant. Antoine Cazé. Dickinson, elle ne donne pas la parole à l'enfant, mais elle fait comme si, et d'ailleurs son monde est un petit peu celui du « on jouerait à »,« on dirait que je serais ceci ou cela », pas forcément un personnage, ça peut être « je serais une pierre » ou « je serais un oiseau », un papillon, oui, une abeille, une mouche, une abeille, etc. Des petites choses, en effet. Et il y a cette voix de l'enfance qui est pas nécessairement nostalgique, qui est plutôt drôlatique ou drôle. Elle aime bien imiter le rire des enfants. Il y a un poème auquel je pense qui est Je suis personne, qui es-tu? Es-tu personne, toi aussi? Je traduis un peu librement. Hein. Mm-hmm. Si nous sommes tous les deux personnes, eh ben on fait la paire et puis on va faire un pied de nez au monde. Il n'y a pas que les poèmes, il y a aussi les lettres. Et dans les lettres, alors, quand elle écrit aux cousines Norcross... Oui, il y a aussi les lettres. C'est comme si elle était une petite fille. Il est attesté que Emily Dickinson aimait énormément les enfants, et en particulier son neveu Gilbert, qui était emporté par... Une fièvre en 4 jours en 1883, donc Dickens était proche de sa propre mort, et ça, cette perte du fils de son frère a été quelque chose de terrible pour elle. Du fils de sa belle-sœur, surtout. Fils de sa belle-sœur, oui, bien sûr, qui était aussi un personnage important, avec qui elle a eu une relation un peu ambiguë, à la fois confidente, amie de cœur peut-être, une des rares à pouvoir jauger la... de manière intelligente sa poésie, puisqu'elle lui faisait confiance, elle lui envoyait de nombreux poèmes. Mmh. Alors justement, la mort, c'est un sujet immense en ce qui concerne Emily Dickinson. C'est le sujet, le thème fleuve, hein, où elle dit dans ses lettres qu'elle va parler uniquement de l'immortalité, « that flood subject », le sujet qui inonde. Tout s'organise, enfin tout, c'est peut-être un peu grossier de dire ça, mais... grande part de l'esthétique même des poèmes de Dickinson s'organise autour de ce moment de disparition qu'est la mort. Et même, je dirais, et ça c'est assez puritain aussi, elle hérite ça pas mal de ses ancêtres puritains, plus que la mort elle-même, ce qu'on appellerait volontiers le mourir. L'anglais a deux mots là très, très utiles, mourir n'est pas tellement un substantif en français, mais dying plutôt que death, hein. Le moment du passage, le moment où on passe dans un autre état, où il y a une tension entre la vie et la mort, il y a une contradiction, et dans de nombreux poèmes, elle se met en scène comme mourante, comme allant mourir, comme déjà presque morte, et pouvant encore avoir une sensation sur la vie. Il y a ce poème où elle dit, voilà, « I heard a fly buzz when I died », hein. Au moment où je suis morte, j'ai entendu une mouche qui bourdonnait. Et elle se voit dans ce poème, elle voit son œil quitter son propre corps et elle se regarde par au-dessus comme cette petite mouche qui vient troubler au dernier instant la sérénité d'un départ. Il y a un autre poème terrifiant qui commence « I felt a funeral in my brain ». J'ai senti un enterrement dans mon cerveau avec l'insistance sur la matérialité, « brain » plus que quelque chose d'abstrait, et qui se termine par « And then a plank in reason broke, and I dropped down, and hit a world at every plunge, and finished knowing then ». Ce n'est qu'au dernier vers, « and finished knowing then », j'ai perdu connaissance, mes connaissances au sens fort, « knowing », plus que simplement tomber dans les pommes. Ce n'est qu'au dernier vers, après avoir vu toute sa mort approcher, après s'être senti à l'étroit dans son cercueil, après avoir entendu tous les sons disparaître du monde, qu'enfin elle finit de connaître, et entre-temps elle aura connu tout le suspens du moment du mourir. Mmh. Et ça, c'est esthétiquement, je crois que peu de poètes ont su traduire aussi bien ce passage. Mmh. Le passage, justement, le suspens, le passage, l'instant. Oui, ce l'entre-deux. N'est pas l'entre-deux. On reste constamment dans le provisionnel, dans le provisoire, provisional. Mmh. On n'est jamais dans du définitif, on est toujours dans une suspension. Est-ce que c'est cela que Emily Dickinson entendait par poésie? Elle dit, je crois, à deux reprises ce qu'elle entend par poésie. L'une, c'est une impression de froid qui ne sera jamais réchauffée, et l'autre, c'est la sensation que le sommet de son crâne a été enlevé. Et là, quand elle sent que physiquement, il lui manque le sommet de son crâne, elle sait qu'elle est en face de poésie. Oui, il y a une espèce d'ouverture sur l'immense. Elle dit aussi dans un poème, « J'habite le possible, une plus belle maison que la prose. » Je crois qu'il y a deux lectures dominantes chez Emily Dickinson, deux sources dominantes, c'est la Bible d'une part et Shakespeare de l'autre. Et Shakespeare a favorisé, a fait éclore en elle justement toutes ces tendances, parce que toutes ces personnages divers qu'elle contenait en elle, justement. Je crois qu'elle dit à un moment donné que sa tête est pleine comme un opéra, et je crois qu'effectivement elle devait être ça devait être comme une sorte de babel de personnages à l'intérieur. Il fallait qu'elle leur donne la parole à tour de rôle. Donc, en même temps, ça correspondait à son goût de la dissimulation, puisqu'elle ne pouvait pas dire la vérité en face, à cause peut-être des conventions de l'époque. Elle ne pouvait pas s'exprimer librement. Il est certain que si elle avait laissé percer, par exemple, son amour pour sa belle-sœur ou pour Sue, ou bien, ça aurait été impossible. Donc, elle était obligée de déguiser, et peut-être même vis-à-vis d'elle-même, elle n'avait pas envie de se dire la vérité à elle-même. Donc elle prenait des masques divers. On peut dire que dans ses poèmes, elle apparaît masquée. Elle apparaît masquée, oui, définitivement. Et je ne crois pas qu'il y ait de poèmes où on puisse dire là, on tient la personnalité, la voix d'Emily Dickinson. Is that Mr. Émilie, la plus humble des toutes présentes, vibrait comme une corde de cerf-volant. Elle a aimé des vrais hommes en chair, bougeants, mystérieusement cachés dans des habits à la mode de ce temps. Il est suggéré dans des livres polis qu'elle, jusqu'à la mort, était jusqu'à la mort vierge, jusqu'à la mort. Elle a aimé une femme, peut-être. Et en lisant bien, il est possible de croire qu'elle a touché ses cheveux. Elle se querellait avec son dieu très personnel, parmi les fleurs dont elle murmurait les noms, sans jamais croire que rien était nommé autrement que dans le seul sens de la fleur du souffle. Sur le papier rose-brun du boucher et sur les vieilles enveloppes, elle notait légèrement les toutes nuances de toute son appartenance à l'immensité possible. Elle perdait le souffle en voyant le geste du soleil enflammant la queue de l'écureuil. Elle respirait comme une colline avec deux petits poumons étroits. Elle écoutait le don du cœur qu'elle avait à même le rythme du trop immense cadeau, le sang vivant. Elle a mangé le cosmos dans un village et faisait les meilleures confitures, sans jamais dire à personne qu'elle savait que tout est sacré, même le mal, parce qu'elle vivait dans la jubilation vertigineuse du respire le cadeau, et qu'elle ne connaissait pas la peur d'être triste, et qu'elle n'était jamais seule, puisqu'elle était Émilie et la confidente d'Émilie. En regardant passer l'abeille dans sa carriole de miel, elle laissait dans la galaxie du champ de trèfle célèbre les krakias innocents graffiner sa belle robe jaune. Si elle murmurait parfois au secours, une journée, une autre journée, elle sarclait le désespoir proprement avec ses belles manières. Voyez-vous, si on parlait fort en sa présence, elle montait à sa chambre en s'excusant d'un petit sourire. Je ne sais pas si elle aimait son corps, est-ce qu'on aime vraiment l'univers ? Les nuages infestés de paix frileuse se retiraient dans l'herbe. Le chant de l'engoulevent piquait l'écho et s'allait perdre dans les pores des feuilles. Le bobolin chantait pour elle. Elle le remerciait souvent de chanter près d'elle en écrivant son nom souvent, et je l'entends facilement répéter doucement en balayant un presque rien de poussière blonde « Bobolonk, Bobolink, Bobolink ». Émilie n'était pas très connaissante. Émilie n'est pas au courant. Émilie n'avait pas d'opinion, rien que des illuminations. Elle ne connaissait que ruisseau et étang, et le mot maelstrom lui serrait le cœur. Elle était naïve, Émilie. Naïve comme le diable, et parfaitement sceptique. Plus douce que sage, elle traversait des après-midi avec une émeute dans le cœur et un espoir farouche comme les premières locomotives. Elle savait qu'elle était la plus petite dans la maison. Elle savait tout ce qu'on peut savoir sans orgueil, et les cheveux d'une crise, et que s'écrouler n'est pas le geste d'un instant, un seul moment fragile dans un petit matin pourpre, que s'écrouler est lent, comme le vertige. Sous les paupières volontaires, comme la santé des trèfles, Elle avait toujours des projets subtils comme la nuit. Émilie, la plus petite dans la maison. D'où d'elle, j'apprends d'elle à lire les syllabes des collines. Délicatement libre dans le tram, couleur de l'arc dans le ciel, délicatement libre dans ma maison. Quand la mort rôdait autour des arbres, elle lui offrait le thé. Et elle savait que la mort n'aime pas le thé. Alors, au soir sérieux, quand la vraie mort l'a envahie, elle a dû gentiment lui offrir sa vie. Émilie ne sera jamais cueillie par l'anémone, texte de Michel Garneau. Ceci est ma lettre au monde qui ne m'écrivit jamais. Les simples nouvelles dictées par la nature. Dans sa tendre majesté, à des mains que je ne puis voir, son message est livré. Pour l'amour d'elle, doux, concitoyen, tendrement, jugez-moi. Claude Pujade-Renaud, vous êtes romancière, mais vous êtes aussi danseuse et chorégraphe, élève de Martha Graham, qui a monté en 1940 un ballet intitulé « Lettres au monde » autour de la vie et de l'œuvre d'Emily Dickinson. Toutes deux étaient originaires de Nouvelle-Angleterre et elles avaient peut-être quelques points communs. Il y a en effet une origine puritaine chez Martha Graham, mais qu'elle récusera. Alors je pense que Emily Dickinson a été prise toute une partie de sa vie dans ce climat puritain, puisqu'elle n'a pas quitté Amherst, où elle est née et élevée dans cette tradition très forte. Et je crois que chez Martha Graham, il y a une façon d'hériter du puritanisme et en même temps de le subvertir. En tout cas, elle s'est inspirée très explicitement de ce texte de Emily Dickinson, Letter to the World, Lettre au monde, qui a été le titre également d'une chorégraphie célèbre de Martha Graham. Et là, je crois essentiellement, elle a utilisé quelque chose qui revient dans beaucoup d'autres de ses chorégraphies, le thème de la femme dédoublée, ou si l'on veut, des femmes géminées. Et elle utilise, à partir d'Emily Dickinson, le thème de celle qui parle, dont on peut supposer qu'il s'agit d'Emily, Emily qui essaie, dans sa solitude de recluse, de parler et de dire à travers la poésie. Et puis celle qui danse, qui serait plus probablement Martha, celle qui essaie de parler, de dire à travers une écriture chorégraphique. Et il y a donc tout au long de la chorégraphie la confrontation entre celle qui parle et celle qui danse. Martha Graham interprétait, bien sûr, la création, c'était en 1940, le rôle de celle qui danse. Alors une des grandes difficultés d'ailleurs de la chorégraphie, c'est que celle qui parle dans le ballet est une danseuse, mais elle parle également en même temps en reprenant des vers, des fragments de vers d'Emily Dickinson, et c'est Martha Graham elle-même qui avait prélevé ces fragments dans toute l'œuvre d'Emily Dickinson. Mmh. Il y a là en effet une question de souffle. Moi, ce qui me frappe en lisant Emily Dickinson, c'est ce souffle très, je dirais presque saccadé, abrupt, avec des ruptures, des cassures. Et pourtant, en même temps, il y a une tenue, une tension qui parcourt tout le poème et qui lui donne une structure très forte. Et si Martha Graham s'est servie d'Emily Dickinson, c'est peut-être par ce thème de la femme solitaire, qui est un thème qu'on retrouve dans d'autres chorégraphies de Martha Graham. Mais je me demande si c'est pas plus essentiellement à cause de cette rythmique des poèmes eux-mêmes d'Emily Dickinson. À la fois, je dirais, cette sorte de condensation extraordinaire, et puis ces cassures, ces ruptures. Ce que vous appelez le rythme syncopé. Oui, je crois qu'il y a, enfin, moi, il me semble qu'il y a une syncopation dans les textes d'Emily Dickinson. L'accent n'est pas là où on s'y attendait. Et il me semble qu'en tant que lecteur, on est comme happé dans le vide. Et pourtant, en même temps, on rebondit. Et bon, moi, j'ai par ailleurs pratiqué la technique de danse de Martha Graham, où il y a une respiration très très forte, enfin très, et en même temps très abrupte, et avec des, aussi ces moments comme de dislocation, puis de reprise. C'est-à-dire que c'est une technique qui en même temps vous, presque vous fragmente, vous morcelle, et en même temps vous amène à trouver une unité. Et peut-être ce qu'il y a de commun, enfin bon, ça c'est une hypothèse personnelle, il me semble qu'il y a chez Émilie et chez Martha, il y a en arrière-plan un univers de la fragmentation, de la dislocation, du morcellement. Et bon, c'est peut-être un petit peu risqué d'avancer cela, mais peut-être un univers quasi psychotique, mais qui tient parce que jamais ça ne sombre complètement, mais c'est toujours menacé de sombrer, de se disloquer, et c'est ressaisi par la création, que ce soit l'écriture poétique ou que ce soit l'écriture chorégraphique. Il y a un texte d'Emily Dickinson, j'aime beaucoup, où elle parle de l'affrontement de l'intime, et que ce qui est le plus dangereux, c'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, et c'est là où est l'ennemi terrifiant. Et il y a des petits textes de Martha Graham, parce qu'elle écrivait aussi sur des carnets intimes, des fragments, des notations brèves, presque comme des giclures, où il y a aussi ce thème de retrouver une intériorité, mais dans cette intériorité, il y a un danger extrême. Et on ne peut s'en sortir que par la création. You've been asking all the questions, Miss Jukes. May I ask one of you? Ask it. There's no limit on questions here tonight. And on answers? None that I can think of, Mr. Shannon, between you and me. This, then, is the question. Have you never in your life had any kind of love life? Would you mind repeating the question? Have you never in your life or travels had any encounter with any experience of what Larry... Il y a plus triste que la chasteté, Mr. Shannon. Oui, la folie et la mort. Si vous ne voulez pas répondre à ma question. Si. Si, je vais y répondre. Oui. Oui, j'ai vécu deux expériences, deux rencontres, si vous voulez. Deux. Oui, j'ai dit deux. Quand j'avais 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans. Quand j'avais 16 ans... J'avais l'habitude d'aller chaque semaine, le samedi en matinée, au cinéma de mon quartier. C'était juste après que mes parents furent tués dans un accident de voiture et j'étais vraiment très seule. Eh bien, un jour, un jeune homme vint s'asseoir près de moi et glissa son genou contre le mien. Je changeai de place, mais il revint près de moi et recommença son manège. Je me levai en poussant un cri et il fut condamné pour attentat aux bonnes mœurs. Est-ce qu'il moisit encore dans son cachot? Non, non, je l'en ai fait sortir. J'ai dit au juge que le film était palpitant. J'ai joué Anna Jelks dans La Nuit de l'Iguane, mise en scène par Brigitte Jacques. Et comme cadeau de première, Brigitte Jacques m'a donné un recueil sur Emily Dickinson avec ses poèmes. Et j'ai découvert Emily Dickinson que je ne connaissais pas du tout. Et paraît-il, ça a été un peu l'inspiratrice du rôle d'Anna. Si vous voulez, c'est un peu Anna et Emily, mais toute proportion gardée, bien sûr. Toutes les deux sont de la Nouvelle-Angleterre. Toutes les deux sont des plutôt introverties, c'est-à-dire c'est voyage autour de ma tête, voyage dans mon cœur. Elles n'ont eu aucune expérience des hommes. Elles n'ont eu que dans leur imagination. Et leur imagination était très féconde. Dans la salle du conseil de la Comédie Française, Jean-Loup Rivière, Gérard Wajman, Anne Portugal traduisent Emily Dickinson et préparent une soirée de lecture par Catherine Salvia. Qu'importe aux morts, chante Claire. Qu'importe aux morts, le jour. C'est un peu tard que votre lever de soleil trouble leur visage et la pourpre grivoiserie du matin les laisse aussi blanc que le pan de mur que le maçon fit hier, et tout aussi froid. Qu'importe aux morts l'été, le solstice n'a pas de soleil, pouvant gâcher la neige devant leur porte, et connut-il un air, un oiseau, pouvant émouvoir leur oreille mortaisée de tous les oiseaux qui sont. Celui-là, aimé de l'humanité, dorénavant sera chéri. Qu'importe aux morts l'hiver, il gèle facilement. Juin, midi, égale nuit de janvier, autant que le sud s'abrise. Le sycomore ou de cannelle se dépose en pierre et mettent une pierre pour la garder au chaud. Délivre des épices aux hommes. En plus, je suis sûr que c'est une chose qui est vraie, ça. C'est-à-dire, la veille, il y a un maçon qui a dû faire un mur sous sa fenêtre. Ou, la vue, c'est une chose qu'elle a vue, quoi. Mais c'est pas mal le plâtre, parce que ça veut dire blanc. Plâtre égale blanc. Et plâtre veut dire plaqué, comme les morts. Oui. Les morts qui sont craquelés. Oui. Les plâtres aussi blancs que le mur. On pourrait traduire pour par plâtré. Plâtre égale notion de blanc, de toute façon, et notion de plâtré, genre mort, craquelé, chose qui se désagrège et qui est... Plâtre, c'est pas une matière vivante. C'est... Moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup. C'est peut-être propre à toute traduction poétique, mais je pense que c'est quand même... particulièrement propre au texte d'Emily Dickinson, c'est que c'est un travail et un plaisir qui est un peu analogue au plaisir de la fréquentation des dictionnaires. C'est la fréquentation des dictionnaires quand on les ouvre et quand on les parcourt pour rien. C'est-à-dire, on se met à suivre des fils sur des mots récurrents ou sur des mots qui se renvoient les uns aux autres. Et il y a un vocabulaire très, très particulier, très récurrent chez Emily Dickinson. Et de poème en poème, abordé du point de vue de la traduction, au fond, il y a cette espèce de promenade dans le dictionnaire. Qu'importe aux morts, chante Claire. Qu'importe aux morts le jour. C'est un peu tard que votre lever de soleil trouble leur visage. Et la pourpre grivoiserie du matin... les laisse aussi blancs que le pan de mur que le maçon fit hier, et tout aussi froid. Qu'importe aux morts l'été, le solstice n'a pas de soleil, pouvant j'aime gâcher beaucoup la le côté opère d'Emily. Connaît-il un air? Il y a ce regard comme ça un peu mystique, arrêté au travers de cette fenêtre, et cette image d'une femme à sa fenêtre en train de regarder, comme là on voit, en effet, on peut supposer que... il y avait un mur qui était en train d'être construit et qu'immédiatement il est devenu un objet métaphysique. Ici, ça me touche beaucoup, ce côté pictural, d'ailleurs, qui est confirmé. Enfin, si on avait besoin de le confirmer, toutes les références aux couleurs qui sont constantes, enfin, une vision comme ça, c'est un regard. Et au cadre aussi, il y a le cadre, le décor, la découpe. Cette découpe. Dans Opère, toute la question, c'est que c'est une énigme totale, parce que on voit une femme, ce qu'on voit, c'est une femme dans l'encadrement d'une fenêtre en train de regarder. Ce que nous ne savons pas, c'est ce qu'elle voit, véritablement. D'une certaine façon, si on voulait, enfin, si je voulais, il me semblerait qu'il y a quelque chose aussi de semblable chez elle. Sauf que c'est du point de vue de la femme, c'est-à-dire, elle vise quelque chose, enfin, elle voit quelque chose, et que quand on traduit, j'ai l'impression qu'on essaye de cerner un tout petit peu ce point-là. Ce qu'elle arrive à voir, qu'est-ce qu'elle vise comme ça du regard au travers de ce cadre. Il y a un point totalement énigmatique. Opaque, enfin véritablement, qui fait à mon sens l'opacité générale de tous ces poèmes, qui est ce qu'une femme voit. Enfin, elle construit sa vision, je veux dire, il y a quelque chose de... Elle-même, moi j'ai toujours ce sentiment-là qu'elle cherche quelque chose. Et que les poèmes sont une certaine manière de donner forme à tout ça. Elle fait des tableaux comme ça pour essayer de voir elle-même ce qu'elle vise. C'est pas tant un secret au sens où elle le connaîtrait et ne le dévoilerait pas. C'est vraiment, elle cherche elle-même quelque chose, véritablement. Et les poèmes sont la construction de ça. Si j'ai envie de lire Emily Dickinson, c'est précisément parce que je ne trouve pas ça du tout opaque. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'y a aucune énigme. C'est la première fois, moi, que je lis de la métaphysique vivable, en même temps qu'invivable. Il n'y a rien à chercher dessous en particulier. Je ne crois pas que les mots, enfin, par rapport à la métaphore, par exemple, il y a quelques fois des métaphores, mais elles sont extrêmement strictes et elles ne servent qu'une fois. C'est-à-dire qu'elles n'émettent pas des multiplicités de sens. Il y a au contraire des traits d'une extrême rigueur. Et tout ça est d'une clarté céleste, absolue. C'est quelqu'un qui habite la métaphysique et c'est la seule façon, moi, que j'ai de la comprendre. Et l'usage du tiret a ce principe comme ça de dégraisser absolument tout ce qui pourrait peser. C'est ça qui permet comme ça de s'élever. C'est-à-dire ça fouette le discours exactement comme on se fouetterait avec une discipline. C'est-à-dire qu'on habite des tombeaux, on est près de ce qui pourrait être Dieu, avec dans la plus grande simplicité. La difficulté de la traduction, c'est de retrouver cette simplicité absolue. Qu'importe aux morts, chante Claire. Qu'importe aux morts le jour. C'est un peu tard pour que votre lever de soleil trouble leur visage. Et la pourpre grivoiserie. Du matin, les laisse aussi blancs que le pan de mur que le maçon fit hier et tout aussi froid. Nous rêvons. Il est bon que nous rêvions. Ça peut faire mal si nous nous réveillons, mais puisque c'est le jeu, ça nous tue et nous jouons, ça hurle. Où est le mal ? Les hommes meurent, extérieurement, c'est une vérité du sang. Mais nous mourons dans le drame et le drame n'est jamais mort. Méfiants, nous nous heurtons les uns les autres et chacun ouvre les yeux de peur que le fantasme ne révèle la faute et que la livide surprise ne nous fige en colonne de granit avec juste une date et un nom et peut-être une formule en égyptien. Il est plus prudent de rêver. Moi, je le trouve très drôle. Hein, plutôt drôle. Ça. Mais ça, c'est une chose qui était un grand plaisir, c'est de... Elle est souvent très drôle, quoi. Et puis c'est une chose qui disparaît souvent dans les traductions, quoi, la drôlerie. Quoi. Moi, je trouve pas du tout qu'elle soit pince sans rire. Non. Je la trouve comique, même. Hein. Très, très comique. Très, très drôle. On dit ça d'elle, d'ailleurs, paraît-il, que c'était plutôt une... des ribalderies terribles. Mais ce qui est drôle, oui, enfin, c'est d'une certaine manière, elle est sans illusion. Quoi. Ouais. On peut avoir l'idée de quelqu'un qui vit dans son rêve, qui vit dans ses images, qui vit dans son monde, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne croit pas aux illusions. Enfin, la drôlerie vient de là, je crois. Et dans les illusions, il y a la religion ? Oui, oui, bien sûr. Mmh. Oui. Ça, toute l'ambiguïté de sa position sur la Bible et sur la religion est très... très, très, très amusante, violente même quelquefois. Comme on peut être drôle ou violent avec des compagnons de jeu, quand on a l'impression que les personnages de la Bible sont des compagnons de jeu, à la fois qu'on respecte et à la fois à qui on fait des croche-pieds, dont on se moque ou avec qui on se raconte des confidences. Il y a un peu tout ça, je trouve. Oui, et puis il y a tout de même la légèreté que donne... Le sentiment, enfin, il me semble qu'elle éprouve d'une certitude. Il y a une certitude, c'est que la mort gagne de toute façon. Parce que la mort est effectivement omniprésente, mais c'est pas trop grave parce que c'est comme si c'était déjà fait. Quoi. Oui, c'est ça. C'est un consentement. Regarde, si on conserve l'image de la femme à sa fenêtre, c'est elle habite dans la mort et elle regarde par la fenêtre. Quoi. Effectivement, il y a de quoi rire quelquefois quoi, quand on est de ce point de vue-là pour regarder. Révélation de Dieu comme un pianiste fou qui se met à taper à toute force sur le piano de son corps et de son âme. Elle a de nombreux poèmes qui sont à la limite du blasphème. Elle dit « Je ne veux pas aller vivre au paradis parce que... » Et là, elle adopte le masque de l'enfant dans le poème auquel je pense. « Je ne veux pas aller vivre au paradis parce que ce serait dimanche tous les jours. » L'air de dire « Je m'y ennuierais et je n'apprendrai rien. » Pour elle... Dieu s'est retiré du monde, a laissé des marques déchiffrables ou indéchiffrables de son passage, et que ces marques sont un interpréter à travers le langage poétique. Et elle conduit toute une réflexion sur l'éclipse de Dieu. Elle a une, dans une de ses lettres les plus connues, qu'elle écrit à Higginson, elle écrit de sa famille, « Ils vénèrent une éclipse tous les matins. » Et on a là une image, une métaphore, encore une fois, extraordinaire, de ce retrait du divin. L'évanescence ou le retrait du divin, c'est aussi ce qui donne cette langue éclatée et, ce, et cette forme fragmentaire, justement. Oui. Le fragment, un peu comme les présocratiques. Le fragment essentiel, oui. Le fragment lumineux. Parce qu'on ne peut pas exprimer. Alors, l'aspect fragmentaire de l'œuvre est aussi dû à une contingence matérielle. C'est-à-dire que Dickinson n'a jamais publié de poèmes de sa vie, sauf 7, comme les Dickinsoniens le savent. Elle n'a pas eu l'occasion, elle a refusé de publier, et donc nombreux sont les poèmes qui sont à l'état d'esquisse, qui sont à peine des textes, et d'ailleurs on pourrait même dire que la différence entre le brouillon et le propre n'a plus de sens chez Dickinson. Il y a une espèce de conservation en l'état, hein, des premières notes jetées sur un bout de papier. Mais je crois que cette attitude face à sa propre création est elle-même due effectivement à l'essai de retranscrire cette absence ou cette brisure fondamentale qu'elle cherche sur laquelle elle cherche à mettre le doigt dans ses textes et dans son rapport à la religion. Faire la toilette d'une morte a rendu la toilette si froide qu'elle n'a plus un seul attrait. C'est difficile, et pourtant plus facile que natter les cheveux et rendre gai le corsage. Quand les yeux qui le couvaient sont, par les décalogues, arrachés. L'amour est antérieur à la vie, postérieur à la mort. Le parave de la création et l'exposant de la terre. J'ai vu le vent souffler en elle. Je savais qu'il soufflait pour moi. Mais comme elle devait acheter mon abri, j'ai demandé l'humilité. Peut-être que ce qui est moderne, c'est le côté carnet de notes ou carnet d'esquisses. On a souvent l'impression, dans ces poèmes, de quelqu'un qui prend des notes, qui retrace un geste, une posture, une structure, une forme, et qui n'a pas besoin que ce soit complété, ou réécrit, ou remis en forme ensuite. Quoi. Je dis ça parce que quelquefois, chez les peintres, quand on voit des esquisses de peintres, tout d'un coup, ça prend un air extraordinairement moderne, c'est-à-dire très, très immédiat pour nous, quoi. Plus que des tableaux achevés. Quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est bref, mais pas fragmentaire, je crois. C'est un début, une fin. Oui, chaque poème concerne un objet. Un objet de pensée, un objet concret, une thèse, un personnage. Mais celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'importe aux morts, chante clair, etc., on a l'impression qu'il reste en suspens à la fin. C'est pas parce qu'il y a un léger suspens, enfin, même une légère énigme à la fin que c'est pas fini. Moi, je les trouve au contraire toujours très très clos, mais renvoyés immédiatement au suivant dans la mesure où c'est la même chose, et, enfin, encore un autre et encore le même, quoi. Mm. C'est très très répétitif avec des variations d'un iota. Thank you. l'évanescence parce que c'est une poésie qui est construite, à mon avis, autour du vide. Et finalement, pour elle, la vie, au fond, est suspendue entre deux inconnus qui sont l'avant-naître et la mort. Et finalement, comme elle a aussi vécu cette expérience de mort, puisqu'elle a connu des états psychique qui l'entraînait aux confins de la connaissance, si vous voulez, ou de l'inconnaissance, elle a éprouvé le besoin de colmater ces brèches. Elle parle de ces brèches qui s'ouvraient de toutes parts dans un poème. La poésie lui a permis de franchir ces brusques ruptures qu'elle éprouvait dans sa vie. Vous parlez à un moment de sa poésie comme une construction en plein vol. On a presque l'impression que vous décrivez un pont suspendu et que ces tirets qui sont tracés donc dans les vers, à l'intérieur et aux extrémités des vers, sont des sortes de câbles qui tiennent les mots entre eux et qui construisent cette sorte de passerelle construite sur rien du tout finalement, oui, qui reste en l'air. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a toujours chez Emily Dickinson cette façon de revivre une expérience. Et cette expérience est condensée dans des mots clés. Il y en a un grand nombre. Il y a le mot Dieu. Il y a tous les pronoms d'abord, je, tu, il, qui sont très difficiles à identifier puisqu'on ne sait jamais à qui ils s'appliquent en particulier. Et puis alors, il y a des mots clés qui composent sa cosmologie, sa cosmogonie personnelle. Par exemple, il y a le soleil, midi, c'est l'éternité, c'est le symbole de l'éternité, la neige qui est le froid, la mort, white, le mot blanc, la blancheur, il y a le mot éclair, le mot foudre, le mot volcan, il y en a beaucoup d'autres qui permettent de s'orienter, qui sont d'ailleurs comme des sortes de repères dans cette poésie, où finalement il y a des clignotants, elle parle de ce clignotement du volcan, et je crois que sa poésie est tout à fait cela. Nous rêvons. Il est bon que nous rêvions. Ça peut faire mal si nous nous réveillons. Mais puisque c'est le jeu, ça nous tue. Et nous jouons. Ça hurle. Où est le mal? Les hommes meurent extérieurement. C'est une vérité du sang. Mais nous mourons dans le drame. Et le drame n'est jamais mort. Méfiants, nous nous heurtons les uns les autres, et chacun ouvre les yeux de peur que le fantasme ne révèle la faute, et que la livide surprise ne nous fige en colonne de granit, avec juste une date et un nom, et peut-être une formule en égyptien. Il est plus prudent de rêver. Je voudrais citer encore un troisième poème. C'est la méfiance qu'elle a envers l'objet dur, l'objet fini, l'objet terminé. Le monde n'est pas un objet. Elle dit quelque part « I dwell in possibility ». Je demeure, j'ai fait mon habitation dans la possibilité. C'est un univers, ce n'est pas un univers parménidien, Emily Dickinson. C'est un univers héraclitéen où tout s'écoule. Il y a une permanence, mais c'est la permanence de quelque chose qui s'écoule. Elle est toujours entre deux. Elle n'est jamais dans le solide. Elle est toujours dans le fuyant. Elle est toujours dans l'ineffable, dans l'impalpable. Elle essaie toujours de saisir l'impalpable. Et ce n'est pas un hasard si toujours dans ses poèmes reviennent le coucher de soleil, qui est un passage, le lever du soleil, l'abeille. D'une part, l'abeille qui bouge, qui virevolte, mais aussi qui transforme le sucre en miel. C'est un univers de la transformation, un univers de la fragilité, un univers de donner une voix, une forme et une beauté à la transparence, à la transience, à la fragilité. Alors, c'est ce troisième poème que j'aimerais citer. Go not too near a house of rose. The depredation of a breeze or inundation of a dew alarms its walls away. Nor try to tie the butterfly, nor climb the bars of ecstasy. In insecurity to lie is joy's ensuring quality. De la maison d'une rose, n'approche pas trop près. Les ravages d'une brise, les crues d'une rosée, en alarment les murs. Ne lis pas le papillon, ne franchis pas non plus les grilles de l'extase. Habitez le précaire de la joie et le gage. To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee and reverie. The reverie alone will do if bees are few. La traduction, non? C'est joli en anglais. C'est mieux en anglais. Non, mais en général, c'est... Oui. Oui. Pour faire une prairie, il faut du trèfle et une abeille. Un trèfle et l'abeille, la rêverie. Si les abeilles sont rares, la rêverie suffit. Alors ça, c'est le côté humoristique d'Emily Dickinson. Cette malice... Cet humour, oui, qui est apparent, là, de toute évidence, dans ce poème qui est presque un peu une blague. Hein. Si on n'a ni le trèfle ni l'abeille, la rêverie suffit. Mais cet humour, me semble-t-il, il est sous-jacent presque à toute sa poésie. C'est l'humour d'une rebelle constitutionnelle, je dirais. Rebelle en même temps, évidemment, tout à fait incluse dans son milieu de puritain de la Nouvelle-Angleterre, mais en même temps très profondément rebelle, et qui se sert de l'humour comme une sorte d'arme contre l'austérité, le sérieux de son environnement. Il y a chez Emily Dickinson quelque chose d'un œil malicieux à la fenêtre de... la maison de son père, qu'elle n'a jamais quittée, qui observe un petit milieu austère puritain de Amherst et qui n'en pense pas moins. Une vie, une œuvre, 1830-1886, Emily Dickinson, une dame en blanc qui nourrit les abeilles. Une émission de Michel Bidlowski avec Cyril Cahen, Antoine Cazé, Claire Malroux, Anne Portugal, Claude Pujade-Renaud, Patrick Remaud, Jean-Loup Rivière, Catherine Salvia, Gérard Wajman. Poème d'Emily Dickinson dit par Solange Boulanger, Jane Cahen, Marie-Aimée Le Breton, Catherine Matelli, Catherine Salvia, Ruth Stegassi. Le texte de Michel Garneau, extrait d'Emily ne sera jamais cueilli par l'anémone, donné au théâtre de la commune d'Aubervilliers en 1983, est dit par Catherine Laborde. De nombreux poèmes d'Emily Dickinson ont été traduits en français par Alain Bosquet chez Belfond, Philippe Denis à la Dogana, William English, Gérard Pfister, Margherita Guidacci chez Arfuyen, Guy Jean Forgue chez Aubier Flammarion, Claire Malroux chez Belin, Charlotte Mélenchon à la Différence, Patrick Remaud chez Attier. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Arlette Adrian. Réalisation, Isabelle Huel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 février 1993.